بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهنا الله عز وجل نفزون الونج الله سبحانه وتعالى كي نوز أكمبلي par ces moyens qui nous permettent de nous rencontrer autour de la parole d'Allah et de la sunna de son message alayhi salatu wassalam. Pas toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons commencer la risala du Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab rahimahullah, tafsir kalimat al-tawhid. Nous allons débuter donc avec cette risala qui est l'interprétation de la parole de l'unicité qui est la ilaha illallah, de son éminence le revivificateur de cette da'wa salafi qui est Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab rahimahullah, avec l'interprétation et l'explication de son éminence Cheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wa matta'abih. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. La question a été posée à Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى sur la signification de la ilaha illallah. Et il a répondu avec cette parole: sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de sa sainte miséricorde, que cette parole c'est la séparation entre la mécréance et l'islam. Yaqulu الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان، وهي عظيمة في الميزان. الشيخ son éminence الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، il dit après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le messager, les salutations et la prière sur le messager d'Allah azza wa jal sur sa famille et ses nobles compagnons, il dit ceci dit: la parole La ilaha illallah est une parole géante, est une parole qui a son importance, qui est légère sur la langue et qui pèse beaucoup dans la balance. يقول لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. Il dit car en réalité c'est ce que contient l'islam, c'est le contenu de l'islam. يقول ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى. Il dit cette parole ce n'est pas tout simplement une expression qu'on dit comme ça, mais il a une signification, il a des obligations, il implique des choses. يقول ولها أركان ولها شروط لا بد من معرفتها. Il dit et cette parole il a des piliers, il a des conditions, il est obligatoire de les connaître. يقول ولو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل من يقولها مسلما، لأنه سهل أن يقول لا إله إلا الله ويصير مسلما ولو لم يعمل شيئا. Il dit حفظه الله تعالى, et c'était le but ici, c'est ici le but, c'était tout simplement de dire cette expression. Il dit tout un chacun qui l'aura prononcé serait musulman dans ces cas-là. Il dit il est facile de dire la ilaha illallah et devenir musulman sans rien faire. يقول فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط لا بد من تحقيقها ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورات. Il dit حفظه الله تعالى, cette parole est une parole énorme, est une parole très importante qui a une signification, qui implique des choses, qui a des piliers, qui a des obligations. Et il a des conditions, il faut les accomplir, il est obligatoire d'accomplir ces conditions. Sans ça, il ne peut être bénéfique qu'avec l'existence de ces choses qu'a citées Cheikh, c'est-à-dire les piliers, les conditions et les obligations. C'est ainsi que la ilaha illallah pourra être bénéfique à quelqu'un. يقول وهذه الكلمة لها أسماء منها أنها كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة لله عز وجل لذلك سميت كلمة الإخلاص أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله عز وجل. Il dit et cette parole il a des noms, la ilaha illallah a des noms, c'est la parole de la sincérité car il anéantit shirk, il anéantit l'associationnisme, il fait la négation de l'associationnisme et du fait d'attribuer un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et il confirme l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est pour ça qu'il a été appelé la parole de la sincérité. Aïe, accomplir le monothéisme pour Allah. Et accomplir le monothéisme sincèrement pour Allah, accomplir l'adoration pour Allah, et éviter l'associationnisme et de faire des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وتسمى كلمة التقوى كما قال تعالى اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Et il s'appelle aussi la parole de taqwa. Et vous connaissez la signification de la taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense minallah, en s'abstenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ilaha illallah, c'est aussi la parole de la taqwa. Contre les mécréants, ont mis en avant ce sentiment pré-islamique, ont mis dans leur cœur, contre ceux qui ont mécru, ont mis dans leur cœur ce sentiment de la période pré-islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de s'enorgueillir, qui est le fait de s'allier contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, contre les croyants, et d'être sectaire pour sa race, pour sa tribu, etc. et pour leur fausse divinité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend et la quiétude sur son messager, sur les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis sur la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis, il les a attachés à la parole de taqwa, qui est la ilaha illallah. Et ils étaient dignes de cette parole. Ils étaient les gens de cette parole, c'est-à-dire de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout, il a la science de tout. Et le verset se trouve dans sourate al-Fath, verset 26. Wa kalimatu at-taqwa hiya la ilaha illallah li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla taqihi min an-nar wa li'annaha taqtadi a'mal al-birr li'anna at-taqwa hiya a'mal al-birr wa at-ta'at hiya al-kalimatu hadhihi al-kalimatu taqtadi kull a'mal al-birr wa at-ta'ah fa hiya kalimatu at-taqwa. Il dit habida Allah ta'ala, et la parole de taqwa c'est la ilaha illallah, car il préserve celui qui l'a dit sincèrement, il le préserve du feu de l'enfer, et car il rend obligatoire les actes, les bons actes et les bonnes œuvres et les actes de dévotion, car taqwa c'est le fait d'accomplir des bonnes œuvres, c'est les obéissances. Et cette parole implique toute bonne œuvre et toute obéissance. C'est la parole de la taqwa. يقول وأيضا هي العروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ici aussi l'on solide, العروة الوثقى, la religion solide, la vraie religion. Il est dit dans le verset dans sourate Al-Baqarah, verset 256, celui qui me croit en Tahout, c'est-à-dire tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, et croit en Allah Azza wa Jal, il s'est cramponné, il s'est accroché à la vraie religion et à l'an solide qui ne se séparera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il sait. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله أنه يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله إلا الله ويؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو مقتضى لا إله إلا الله ولذلك سميت العروة الوثقى الميكروان طاغوت يعني tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et il croit en Allah. Ça c'est la signification de la ilaha illallah. Il mécroit, ça veut dire la ilaha. Il croit en Allah, ça veut dire illallah, sauf Allah. C'est-à-dire le culte doit être réservé uniquement à Allah. Et ça veut dire que mécroire en Tahout et croire en Allah, c'est ce que implique la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il a été appelé l'urwa al-wuthqa, l'once solide ou la vraie religion. يقول وأيضا هي كما قال الشيخ الفارقة بين الكفر والإسلام فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما ومن أبى أن يقولها أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire, et si aussi, hein, cette parole la ilaha illallah, c'est comme il a dit Cheikh Mohamed Abdelhab, c'est elle qui sépare entre la mécréance et l'islam. Celui qui l'a dit en connaissant sa signification, mettant en application ses obligations et ce qu'il implique, il devient musulman. Et celui qui refuse de la dire ou qui l'a dite et qui ne connaît pas sa signification ou il l'a dite, il n'a pas mis en application ce que ça implique la ilaha illallah, il ne sera pas musulman jusqu'à ce qu'il connaisse sa signification et qu'il mette en application ce que implique la ilaha illallah et qu'il le mette en application dans son apparence et dans son fort intérieur. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه أسماء للا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوى العروة الوثقى الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام. Il dit حفظه الله تعالى ça ce sont les noms de la ilaha illallah, la parole de la sincérité, la parole de la taqwa, l'on solide ou la vraie religion, la parole qui sépare entre la mécréance et l'islam. يقول لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها كالصوفية. Il dit حفظه الله تعالى car beaucoup de gens ne donnent pas d'importance à ce que ça implique cette parole et ne donnent pas d'importance à la signification de cette parole et aux obligations de cette parole, alors qu'ils la disent beaucoup dans leur dhikr, comme les soufis. فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله آلاف المرات، ولكنهم يدعون غير الله فهي لا تفيدهم شيئا لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، فهم يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها، ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرع الله ولا رسوله. Il dit, حفظه الله تعالى, les soufis ils disent beaucoup dans leurs invocations du matin, dans leurs invocations du soir, ils disent des milliers de fois la ilaha illallah, mais ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ilaha illallah ne leur servira à rien, il ne leur sert à rien, car ils n'ont pas mis en application ce que ça implique la ilaha illallah et l'obligation de la ilaha illallah. Ils la lisent dans leurs invocations du matin et du soir, ils la répètent, mais ils demandent aux morts. Ils cherchent secours auprès des tombes et auprès des morts. Ils obéissent à leurs chouyours, aux chouyours de leur secte qui leur légifèrent des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré et que le messager d'Allah n'a pas légiféré. فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتلقونه عن مشايخهم، فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا ولا يفيدهم شيئا. Il dit, حفظه الله تعالى, ils ne prennent pas la législation du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, mais ils prennent la législation de leur chouyour. Et ils disent beaucoup la ilaha illallah matin et soir, mais il ne pourra rien pour eux. Le fait de la dire ne peut rien pour eux, ne leur servira rien du tout. يقول ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله هذا ذكرهم يرددون الله الله الله مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة. أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا، وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو هو هو ضمير غائب، وهذا لا يفيد شيئا لأنه تلاعب بهذه الكلمة. Il dit, حفظه الله تعالى, il est des soufis qui ne prononcent même pas la ilaha illallah complètement. Ils prétendent qu'ils sont devenus les particuliers des particuliers. Et ils ne disent pas la ilaha illallah, mais ils disent Allah, Allah, Allah. Ça, c'est leur invocation. Ils la répètent. Allah, Allah, Allah. Alors qu'il est obligatoire de ramener toute la phrase pour que ça ait un sens. Quant au terme Allah, c'est un nom propre. Hein? C'est un nom propre, ce n'est pas une phrase de laquelle tu peux comprendre quelque chose. C'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ne disent même pas le nom de la majesté qui est Allah. L'expression de majesté qui est Allah, ils ne la prononcent même pas. Ils utilisent tout simplement le pronom de la troisième personne qui est « Hu, Hu, Hu ». Hein? Le pronom de la troisième personne, et ça ne leur servira à rien, car c'est jouer avec cette parole, c'est s'amuser avec cette parole. فيجب التنبه لهذه الأمور لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها وكان عند الناس رغبة في النطق بها صرفهم عنها بهذه الحيل وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو هو. وبعضهم لا يتلفظ إلا بالله ولا لا بالله ولا به وإنما يقولها بقلبه فقط. كل هذا تلاعب من الشيطان فيجب التنبيه لهذا. Et Cheikh de nous dire, il faut faire très attention à ces situations, car Shaitan, quand il est sûr que cette parole, c'est la parole de l'islam, et que les gens ont envie de la prononcer, et de faire des invocations avec, il les a détournés avec ses ruses, il leur a ramené des wasawis, il leur a dit, dites la Allah, Allah, ou dites hu, hu. Et certains ne prononcent même pas Allah, ils ne prononcent même pas hu, mais ils la disent tout simplement avec leur cœur. Et ceci, c'est un jeu. Minash Shaitan, c'est un jeu du Shaitan auquel il faut faire très attention. Wa yaqulu Sheikh Hafidhahullah, wa minan nasi man yughfiluhu Shaitan an qawli la ilaha illallah, fala yaquluha illa nadiran, wa la yadhkuru Allah biha illa qalilan, wa la yukarriruha ma'a annaha taqilatun fi al-mizan, kama jaa fi kitab at-tawhid annaha law wudi'at fi kaffa. لو وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فهي تثقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض وبمن فيها، فهي كلمة عظيمة ولكن قل من يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. Et il dit, Hafidhahullah, et les paroles sont toujours, le commentaire toujours à Cheikh Al-Fawzan, il y a des gens qui sont inattentifs, ou que Shaitan rend insouciant du fait de prononcer la ilaha illallah. Ils ne la disent que rarement, ils n'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala rarement, ils ne la répètent même pas, ils ne la répètent pas beaucoup, alors que c'est une parole qui est lourde dans la balance, comme il est rapporté dans le livre du monothéisme de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, que si on mettait dans le plateau de la balance la ilaha illallah et dans notre plateau on mettait les cieux et ce qu'il contient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on mettait les terres et ce qu'il contient, la ilaha illallah prendra le dessus et sera plus lourde que les cieux et ce qu'il contient en dehors d'Allah et que la terre et ce qu'il contient. C'est une parole énorme, c'est une parole très importante, c'est une parole géante. Et peu, il dit, Hafidhahullah ta'ala, et peu de gens font attention à ceci. Et peu de gens se représentent ceci dans leur esprit. Et peu de gens se donnent l'habitude à la prononcer et à la répéter. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur ses saintes miséricordes. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Il dit, حفظه الله تعالى, ici le texte de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il dit, de la ilaha illallah, c'est la parole de la taqwa, c'est l'once solide, c'est celle qu'a laissé en héritage dans sa descendance Ibrahim a.s. pour qu'ils y reviennent, pour que sa descendance revienne à la ilaha illallah. يقول الشيخ الفوزان وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء, هذا معنى النفي, لا إله إلا الله. إلا الذي فطرني, هذا معنى الإثبات, إلا الله. Et Cheikh Fawzan de nous dire, et la parole de la ilaha illallah, c'est celle qu'a voulu dire Ibrahim a.s. C'est celle qui a été désignée par Ibrahim a.s. dans le verset, dans Surah Zukhruf, versets 26 à 27, où il dit, je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? Je vous dis à vous, est-ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Ça, dit Cheikh Hafidhahullah, c'est la signification de la ilaha illallah. Je vous dis à vous, c'est la signification de la négation, la ilaha. Je vous dis à vous, la ilaha, c'est la négation. Sauf celui qui m'a créé, ça c'est l'affirmation. Illallah, sauf Allah. C'est l'affirmation qu'en quoi le culte, il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alaha ay Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ja'ala hadihi al-kalima kalimatan baqiyatan fi aqibihi ay fi durriyatihi. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah. Lam yatrukuha kullahum. لم يتركوها كلهم ولم يشركوا كلهم بل فيهم من قالها واستقام عليها ولو كان عددا قليلا أو أفرادا. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, on explique souvent le verset. Et Ibrahim a fait qu'il reste dans sa descendance C'est-à-dire cette parole la ilaha illallah, il l'a laissé dans sa descendance. Il a laissé cette parole pour sa descendance et dans sa descendance. Donc il reste toujours des gens de la descendance d'Ibrahim alayhi salam qui disent la ilaha illallah. Ils l'ont pas délaissé. Les descendants d'Ibrahim alayhi salam l'ont pas délaissé complètement. Ils sont pas tombés tous dans l'associationnisme. Il y a certains qui l'ont dit et qui sont restés dans la droiture, qui ont accompli ce que applique la ilaha illallah. Même si leur nombre n'est pas grand, même si c'est pas un grand nombre, même si ce sont que des individus. يقول حفظه الله فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقول أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه الإمام البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إيه شيخ دو نذير كنت محمد عليه الصلاة والسلام إلى التنفوي بك لا إله إلا الله بك cette parole. Et il a dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim et par l'imam Malik dans le Muwatta Abu Daoud et Tirmidhi et Nasa'i, le hadith d'Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wassalam, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et s'ils la disent, leur fortune, ils sont protégés, leur fortune est protégée, leur vie est protégée, sauf sauf, ils subiront des sentences par rapport aux négligences au droit de la ilaha illallah. Et leur compte, sera chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-vous-moi, qu'ils disent la ilaha illallah, c'est fini. Ils seront protégés. Ils seront sous la protection de cette parole la ilaha illallah. Et s'ils la disent tout simplement, cela veut dire s'ils la disent tout simplement par la langue, leur compte il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'apparence il est là. يقول حفظه الله فالرسول بعث بلا إله إلا الله وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه. Et donc le messager, notre messager عليه الصلاة والسلام dit Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى, il a été envoyé avec la ilaha illallah. Et c'est la parole qu'avait laissé son grand-père Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Il l'avait laissé dans sa descendance. وكان محمد صلى الله عليه وسلم من عقب إبراهيم. Et Muhammad alayhi salatu wasalam fait partie de la descendance de Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nas ilayha wa yuqatiluhum alayha fa hiya kalimatun 'azima. Muhammad alayhi salatu wasalam fait partie de la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam avec la ilaha illallah pour appeler les gens vers la ilaha illallah, pour les combattre pour la ilaha illallah. Donc c'est une parole énorme, c'est une parole géante, c'est une parole très importante. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَيْ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا. Et Cheikh de nous dire, toujours en commentaire du verset, pour qu'ils y reviennent. C'est-à-dire, ils reviennent vers quoi? Ils reviennent vers la ilaha illallah. Wa bi bi'tati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam raja'a ilayha al-kathiru min durriyati Ibrahim. Et avec l'envoi de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup parmi la descendance de Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam sont revenus à la ilaha illallah. Fa rasul sallallahu alayhi wa sallam bu'ita bi hadhihi al-kalima wa da'wati ilayha wa tahqiqaha wal 'amali biha bal inna kullar rusuli bu'itu biha. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et donc, l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, avec l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, beaucoup de gens, beaucoup de descendants de Ibrahim alayhi salatu wassalam sont revenus vers la ilaha illallah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wassalam, notre messager alayhi salatu wassalam, a été envoyé avec cette parole. Et pour appeler les gens vers cette parole, et pour que cette parole soit accomplie, et pour qu'il soit mis en application. Tous les messagers ont été envoyés avec la ilaha illallah. Il est dit dans les abeilles, verset 36, nous avons envoyé de chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il dit le messager à sa communauté? Adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore. Ou évitez ta route, évitez puisqu'ils s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'na la ilaha illallah. U'budu Allah wa ajtanibu al-taghut. Hada ma'na al-nafi wal-itbat. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Adorer Allah, éviter ce qu'ils s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, éviter le taghut. Ça, c'est la signification de la négation. C'est la signification de l'affirmation aussi qu'il y a dans la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et dans sourate al-anbiya, dans le verset les prophètes 25, tout prophète que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi. Il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le messager avec l'ordre de l'adorer. Et dans l'autre verset, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء والرسل. أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Et dans sourate An-Nahl, verset 2, il descend les anges avec la révélation. Il descend les choses avec son ordre, avec la révélation, sur ce qu'il veut, qui il veut parmi ses serviteurs, qui sont les prophètes et les messagers. Allez, Moussa, tu sais. Il leur dit quoi? Avertissez qu'il n'est digne d'être adoré que moi, préservez les droits d'Allah. يقول حفظه كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة ولا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا وإن أعرض عنها الأكثرون. Donc tous les messagers ont été envoyés avec la ilaha illallah. Mais Ibrahim alayhi salatu wasalam, il l'a laissé dans sa descendance jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours de la descendance d'Adam alayhi salatu wasalam qui vont hériter cette parole au niveau de la science. Au niveau de la mise en application, au niveau de l'accomplissement, il y aura toujours des descendants d'Ibrahim alayhi salam qui vont savoir ce que c'est que la ilaha illallah, la mettre en application et accomplir la ilaha illallah, même si beaucoup sont des détournent. Et on s'arrête là pour cette séance. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.